Restons sans voix, mais n'oublions pas notre générique, c'est Cargo Cult. Bonjour, bonjour. Le vrai départ, Cargo Cult, c'est maintenant. Ah, comme je suis heureux de vous avoir sous la main, parce que bah oui, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, mais là, la pièce que je vous propose, c'est trois pièces d'ailleurs, mais enfin, tout est autour d'un grand morceau. C'est quelque chose de tellement historique, d'anachronique, foutraque, génial et classique à la fois, que c'est renversant. Alors j'y vais tout de suite, on va découvrir le Automatic Writing de Robert Ashley. Immense figure qu'est Robert Ashley dans la musique contemporaine américaine. Alors j'ai envie de dire la musique contemporaine, vous savez, avec un grand C, quoi, avec un grand contemporain. Cette musique sérieuse, en apparence. Car en fait, on a rarement entendu et deviné préfiguration des mouvements les plus radicaux qu'allait engendrer la contre-culture, qui allait finalement prendre le pas, si vous voulez, à partir des années 70, puis plus tard dans les années 80, principalement dopé par l'électronique, rarement on aura entendu de proto-radicalité électronique et autres que chez Robert Ashley. Robert Ashley, d'ailleurs, qui se veut pas un chantre de la punkitude intello, hein. C'est quelqu'un qui va principalement travailler sur la voix et sur des nouvelles formes de voix et des formes opératiques. Mais alors dans cette discipline-là, il va toucher à des formes très très pluridisciplinaires qui vont bien sûr toucher le théâtre, la musique servira de guide commun, ça c'est une certitude. Mais elle sera tellement ouverte qu'elle mordra sur l'art vidéo. Et puis finalement pas mal d'autres champs. On retient l'histoire de Robert Ashley. L'histoire de Robert Ashley est truffée de petites histoires et on en évoquera quelques-unes aujourd'hui, mais on ne va pas dresser sa carrière entière. Aujourd'hui, bon, alors maintenant qu'il est mort en 2014, il est clairement reconnu comme quelqu'un d'éminent, hein, mais vraiment. C'est quelqu'un qui a une vie bien remplie. Né en 1930, il meurt au-delà de 80 ans. Et on lui doit cette New Kind of Opera qui était appelée le New Narrative Opera. Voilà, l'opéra néo-narratif. Et oui, la narration a vachement d'importance chez Robert Ashley, au point qu'il va même être initié, un truc un peu unique, parce qu'il ne va pas seulement l'initier, je pense que ça va laisser rester lettre morte, mais c'est quelqu'un qui va créer un opéra pour la télévision. Et en fait, c'est une série de clips qui font 25 à 30 minutes chacun, il y en a largement une dizaine, tout ça programmé et produit par et pour la télévision, c'est absolument génial. Bon, c'est passionnant, je rediscuterai de ça, parce que c'est une commande incroyable, c'est un projet de 1980, alors je fais exprès d'aller un peu vers du Robert Ashley du milieu, là. Mais c'est ce pourquoi, en fait, on le garde en mémoire. La Kitchen à New York, en 80, lui passe cette commande et s'associe donc pour le grand projet Perfect Lives, et dans Perfect Lives, il y a plein d'autres projets, c'est vraiment une forme de grande poupée gigogne, quoi, si vous voulez. Et l'opéra est coproduit avec Channel 4, en Angleterre. Le programme va quand même être relayé par des chaînes importantes européennes. Alors évidemment, ici, ce sera en Allemagne et en France, Arte. Et puis quelques autres places européennes ouvertes, j'ai envie de dire, à Robert Ashley. Mais figurez-vous qu'aux États-Unis, ça ne passera pas. Ou alors peut-être un petit bout comme ça, et encore sous les efforts de la Kitchen, sous un public new-yorkais initié. Mais enfin, pas sur des grandes chaînes et des grands networks américains, loin de là, et toujours pas aujourd'hui. Donc c'est un immense paradoxe que Robert Ashley est partie intégrante de la culture américaine. Il en est un prisme absolument incroyable, qu'on parle de culture dominante ou de contre-culture. Il reste relativement peu connu du grand public, en tout cas de son vivant. Les choses changent aujourd'hui, il y a effectivement une nouvelle jeunesse qui s'empare du truc. En tête de ça, des bidouilleurs comme Matmos, par exemple, qui ont clairement rendu hommage à Robert Ashley à l'occasion d'un concert au GRM dans un présence électronique des années 2010. Tant mieux. Esclave d'être tard, hélas. Par contre, le public théâtreux, le public opératique a été probablement plus initié et plus ouvert aux radicalités, aux expériences de Robert Ashley. Et je trouve ça génial que Robert Ashley puisse être le passeur chez un public qui n'est pas forcément celui qui va être le chant d'une contre-culture, qui va être le chant d'une bidouille électronique, qui va être le chant de, finalement, les supposés avancés, va en fait être le plus réceptif à ça. Parce qu'il y a de l'écriture, parce qu'il y a de la mise en scène, parce qu'il y a une puissance narrative absolument colossale. Un petit coup d'œil rapide à la biographie de Robert Ashley qui va justement nous éclairer sur cette importance de la narration. Importance de la narration jusqu'à une importance de la non-narration. Alors évidemment, je voudrais dire qu'est-ce que je vous dis là. Mais je vais le justifier très vite, et notamment avec la pièce Automatic Writing qui tient finalement d'un contre-exemple, mais qui valide le reste. Alors je m'explique. Rapide bio, je disais, il naît à Ann Arbor. Ann Arbor, c'est cette ville universitaire du Michigan, donc c'est pas très loin de Détroit. Et il y naît, il y étudiera. Plus tard, il s'en échappera pour étudier à la Manhattan School of Music et va devenir donc musicien dans l'armée américaine. Ça paye ses études, c'est bien. Mais il ne délaisse pas le Michigan et il ne délaisse pas Ann Arbor. Il y retourne, au contraire. Et à l'université du Michigan, il va travailler au Speech Research Laboratories, laboratoire de recherche sur la parole. Ah, déjà un axe se trace et va bientôt se dessiner. Il y travaille très bien et on lui offre la possibilité d'obtenir un doctorat, mais possibilité qu'il refuse pour se consacrer à la musique et uniquement à la musique. C'était le bon choix. C'était le choix décisif de Robert Ashley. Et il va être l'un des organisateurs principaux du très fameux Wands Festival à Ann Arbor. C'est un festival colossal où toute l'avant-garde américaine et un peu européenne va passer dans le milieu des années 60, de 1961 à 1969. Il y a une belle durée de vie du Wands Festival. Et encore organisateur, Roger Reynolds, Gordon Mormont. Et ainsi que d'autres compositeurs et artistes locaux. Alors certains d'importance, hein, Gordon Mormont évidemment. Gordon Mormont va notamment aux côtés de Robert Ashley être le cofondateur du groupe Sonic Heart Union. Alors le groupe, c'est pas tant un groupe qu'une coopérative, tout est dans le nom déjà. Sonic Heart Union, c'est le syndicat des arts soniques. Génial comme nom. Syndicat des arts soniques, donc, qui est cofondé, je le disais, avec Gordon Mormont, mais aussi Alvin Lucier, excusez-moi du peu, et David Berham, qui est très important aussi, quoique l'histoire retienne un petit peu moins son nom. Ce qui est dommage, mais on y reviendra probablement un autre jour. Donc, cette coopérative, elle fonctionne quasiment comme un kolkhoz. Imaginez, on est dans l'Amérique des années 60, c'est lourd de sens tout ça. Et ça donne forcément pas mal de visibilité, en tout cas bien plus que d'ordinaire, à des individualités qui ne trouveraient pas cette force-là, si ce n'était pas réunis ensemble. Et qui dit coopérative, dit mutualisation de frais, de production, de concerts, plus de dates, donc plus de visibilité. En 1969, du coup, alors changement d'horizon, mais pas tant d'objectifs, puisque là, Robert Ashley, mais c'est le cas de Mormont aussi, remarquez, vont quitter leur terroir. Robert Ashley va en Californie, il va devenir le directeur, mais un temps assez court, du San Francisco Tape Music Center. Au fond, une parenthèse pour révéler l'importance de ce lieu, hein. Encore un lieu qui porte formidablement bien son nom, hein. Le San Francisco Tape Music Center. C'est là que Steve Reich va réaliser sa première pièce. Quand bien même, il était un étudiant exilé de New York qui était venu justement apprendre aux côtés de ses bidouilleurs, notamment Jerry Wiley, en Californie. C'est là que Pauline Oliveiro s'exercera et elle le dirigera, lui, le San Francisco Tape Music Center, pendant un certain moment. Donc c'est un vivier extraordinaire. De ce vivier-là, Robert Ashley partira un tout petit peu plus haut à Oakland, toujours en Californie. Et là, il va diriger sur quelques années, dans les années 70, en fait, le Mills College Center for Contemporary Art and Contemporary Music. Et c'est de là qu'il va réaliser la pièce principale qui nous intéresse aujourd'hui. C'est du studio du Mills College. Et le studio a énormément d'importance. le mot home studio, voire musique de studio, n'est pas du tout sur les lèvres à l'époque. Encore moins dans les musiques contemporaines, enfin, ou post-classiques, hein, vous pensez bien. Alors qu'il a, il a une importance fondamentale. La musique concrète l'a prouvé dès le début des années 50, là même la fin des années 40. Mais c'est pas, on ne montre pas le studio comme un instrument, finalement. Ça reste un outil. Et Automatic Writing, donc la pièce principale que je vais présenter aujourd'hui, elle joue complètement du studio. Alors, on va écouter trois pièces aujourd'hui. Automatic Writing est une pièce fleuve de 46 minutes. Et deux autres pièces, elles bien plus courtes, l'une de 10 minutes et l'une de 5 minutes. Ces deux pièces nomment respectivement Purple Lady Slow Afternoon, c'est composé en 1968, et l'autre qui conclura notre affaire, mais je pense que j'y reviendrai juste à la fin d'Automatic Writing, elle date de 1967 pour 5 minutes et demie. Alors ce fameux Automatic Writing, qui lui, alors la pièce la plus tardive, c'est une pièce de 1979. Et pourquoi je présente ces trois pièces ensemble aujourd'hui? C'est parce que Lovely Music, l'excellent label Lovely Music, entre parenthèses d'ailleurs dirigé et créé par la femme de Robert Ashley, a édité en CD en 1996 les trois pièces, et réunit les trois pièces en même temps. Alors on peut se demander pourquoi ces trois pièces-là? Ces trois pièces, étonnamment, sont réputées les pièces les plus difficiles de Robert Ashley. Alors je trouve que ça se discute complètement. J'y vois même, mais c'est vous qui jugerez avec moi à cette écoute de l'Automatic Writing, peut-être le contraire, peut-être une pièce étonnamment facile, dans le sens où c'est une pièce d'une fluidité inouïe qui remplit merveilleusement les espaces et qui introduit dans la musique contemporaine une notion qui lui est totalement étrangère, c'est celle de dub finalement, une forme de dub granulaire. Alors attendez, on est en plein des années 70, on est précisément en 1979, vous vous rendez compte de la modernité du truc. Or ça va être au service d'un projet, et je reviens sur l'aspect narratif fondamental qui a construit les œuvres de Robert Ashley, qui en fait a formé à elle seule un cursus énorme dans lequel des sous-compositions rentraient à la façon comme ça de poupées gigognes dans un process comme ça clairement dessiné et en auto-fabrication autour de la parole et du langage. Ben ici chez Ashley, il y a un chamboulement de ça. C'est une pièce auto-narrative, dans le sens où c'est l'une des toutes premières pièces où Robert Ashley va utiliser sa propre voix. Il le fera par la suite, mais ici, il est au début de cette expérimentation-là. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont il va utiliser cette voix. Là où toutes les autres pièces de Robert Ashley convoquent une forme de storytelling, et qu'on peut donc appeler extra-narrative, celle-ci va être auto-narrative dans le sens où elle va répéter bien plus qu'une douzaine de fois la phrase « My mind is censoring my own mind ». Et si ce n'est pas cette phrase même, c'est une légère variation de celle-là. Et donc, toute la composition, elle est basée sur cette répétition un peu involontaire autour de cette phrase-là, autour de cet axiome « My mind is censoring my own mind ». Mon esprit censure mon propre esprit. C'est à quoi Robert Ashley disait même qu'il y avait dans cette phrase-là et dans les itérations de cette phrase déclamée, une forme de syndrome de Tourette détournée, qui consisterait donc à se parler à soi-même, s'invectiver, censurer aussi. Retour au studio et retour à la façon de travailler. Ashley est venu s'enregistrer parce qu'il avait remarqué qu'il y avait des répétitions dans les phrases, qui marmonnaient. Et rappelez-vous, son cursus, c'est quelqu'un qui va étudier le langage, qui est quasi doctorant, si vous voulez, dans des recherches poussées sur le langage et la parole, et l'articulation de la parole. Et ma foi, cet enseignement-là, il l'aura clairement exprimé dans sa musique et peut-être encore plus dans un aspect de recherche et d'expérimentation dans la pièce Automatic Writing qu'on va découvrir bientôt. Comment ces schémas inconscients sont liés à son travail de compositeur? Comment est-ce que la musique peut exprimer les rouages mystérieux de son propre corps et en l'occurrence de sa propre parole? Il va le faire dans une forme absolument proto-géniale et une préfiguration plus que mirifique, je pèse mes mots, de ce qu'on va appeler bien plus tard la SMR. C'est exactement ce à quoi s'emploie cette pièce de 46 minutes. Et elle s'y emploie avec une nonchalance, un contrôle de la lenteur, mais en même temps une montée en intensité absolument extraordinaire. En texture, en sensualité, en qualité de son, qui de fait ne sont pas des sons propres. Ce serait étonné du souffle et des scories qu'a priori on écarte d'un studio dans le processus de développement de cette musique. Mais tout autour de la voix d'Ashley qui est totalement susurrée comme ça, c'est de l'ASMR. De l'ASMR en 1979, je vous dis c'est radical, va avancer comme un dub granulaire. C'est de l'électro-dub en plus. C'est de l'électro-dub façon Basic Channel, mais je vous dis 20 ans avant, renversant. Et il y a d'autres convocations lyriques. Alors, le mot lyrique, je ne sais pas s'il s'adapte trop, mais n'oublions pas que c'est un homme d'opéra important. Alors pourquoi pas l'attribuer à ce qu'on va entendre là. Il y aura d'autres textes. Il y a la voix de l'épouse de Robert Ashley, Mimi Johnson, et vous l'entendrez en français. C'est assez délicieux. Et pour le peu, c'est probablement elle dont on va mieux entendre et mieux comprendre le discours. Là où celui de Robert Ashley est volontairement haché, auto-censuré. Je reviens sur cette ligne directrice de départ. Et le traitement de studio va valoriser ça. Et en tout cas, chahuter cette intention-là. Alors, soyez pas étonnés de sauts comme ça, de niveaux, d'imperfections, mais qui sont en fait... qui constituent des apparitions absolument délicieuses dans le cheminement de cette pièce. Elle est truffée de variations très sourdes. Il y a plein de gribouillis électroniques. Mais c'est des beaux gribouillis, si vous voulez. C'est pas n'importe quoi. Vraiment pas. Et il va arriver un moment, mais assez tardivement d'ailleurs, à 25 ou 30 minutes de la pièce, une basse complètement groovy, complètement dub. Mais comme si on avait enregistré cette basse dub du chant voisin en Jamaïque, si vous voulez. C'est une version drum and bass totalement rurale qu'on aura enregistrée quelques kilomètres au-delà d'un sound system pour récupérer que des basses totalement sourdes, un peu profondes et enterrées, si vous voulez. Et tout ça donne une chaloupe au fonctionnement de ces morceaux qui est absolument phénoménal. Écoutez-le attentivement dans un jeu de stéréo extrêmement bien travaillé. On discerne comme ça une mélodie d'orgue un petit peu lointaine, mais elle glisse dans le décor et apparaît de plus en plus. Un peu comme si Ashley essayait de superposer une série d'éléments de plus en plus tenus pour créer ce qu'on peut aujourd'hui considérer comme une forme de proto-ambiante. Je reviens sur cette qualification que lui trouve finalement assez bonne de proto-dub électronique, quoi. Et d'une certaine manière de proto-basic channel. L'introduction est quasi silencieuse, et sur un certain temps. Donc vous allez avoir l'impression qu'il y a un dead hair et qu'il y a un blanc d'antenne qui disparaît. Non, ce n'est pas le cas. Ce blanc est en fait une poussière qui va être assez constante et qui va grimper. Mais on ne va pas entendre de musique avant 1 minute 30, voire au-delà. Et ma foi, quand elle va arriver, ça va être à petits pas de velours. Alors, petits pas de velours rempli de la poussière qui colle à la bande et au studio. Bienvenue dans cette musique, c'est un rituel absolument incroyable. On se retrouve après ces 45 minutes-là et je présenterai les deux autres pièces bien plus courtes qui elles durent respectivement 10 et 15 minutes, c'est elles qui complètent le CD complet. Mais vous verrez, elles en sont pas moins intenses, je vous le promets. C'est Cargo Cult avec les Automatic Writing de Robert Ashley. Bonne écoute.

The very speed. Yes. I'm going to do it. Je plaisante pas, idiot, c'est la musique. Mon esprit sent sur mon propre esprit. Thank you.

Vous êtes tous. Un esprit, un Ça finit comme une messe suspendue, comme ça. Robert Ashley et son Automatic Writing. C'est vraiment une œuvre culte, absolument incroyable. Le dispositif est étonnant, puisque Robert Ashley s'est fait préparer le studio, c'est le studio du Mills College, où il enseigne à cette époque-là, donc la réalisation de 1979, je le répète. Et ma foi, le setup tout près, voilà, il manipule les boutons, il les... et surtout traite sa voix façon ASMR, mais tout ça en direct, si vous voulez, quoi. Quand bien même il y a eu beaucoup de reprises par la suite. Donc voilà une œuvre. J'apprends dans vos commentaires qu'elle est curative, qu'elle soigne les mal de tête, les maux de tête. Je suis absolument ravi, c'est formidable. À l'inverse, sachez que cette œuvre-là a probablement donné des cauchemars à tout ingénieur du son orthodoxe. En fait, ça n'est que du mixage et du mastering comme il ne faut pas faire. Ça part à droite, ça part à gauche, il y a des dynamiques qui ne sont pas du tout respectées, il y a des clics et des plops, et tout ça baigné dans une poussière de souffle absolument vivifiante. Et tout ça donne un son mais d'une intemporalité et d'une vitalité absolument inouïe, quoi. Et sans aller dans l'excès non plus, je reste totalement étonné par ça. C'est une leçon de chose, c'est une leçon de vie, quoi. Et pas tant de leçons techniques, puisque tout ramène à soi, tout ramène au corps, tout ramène à l'interprétation du langage. Et c'est le maître mot chez Ashley. Les deux pièces qui vont suivre maintenant s'éloignent de l'introspection, encore que. Mais on n'est plus du tout dans quelque chose d'auto-narratif, mais on est au contraire dans un storytelling totalement terrifiant. Alors, j'ai proposé deux pièces, Coucou sur coup, Purpose Lady Slow Afternoon, respectivement écrites en 1968, et celle qui lui suit, très courte, de 5 minutes, She Was a Visitor. Tout est là, dans l'une comme dans l'autre, sur la scansion, et particulièrement la répétition de She Was a Visitor. She Was a Visitor. She Was a Visitor sur la dernière pièce, assez courte. Mais celle par laquelle je vais insister là maintenant, c'est l'incroyable Purposeful Lady Slow Afternoon. C'est une pièce qui est publiée à l'origine en 1968 et qui est en fait la description par une femme d'un viol à la police. C'est donc un rapport de police dit lu sur une expérience sexuelle douloureuse. La notion de viol n'est pas clairement établie et jamais Robert Ashley confirmera ou infirmera le contenu de cette pièce. Et c'est ce qui la rend encore plus troublante. Je reste convaincu que c'est effectivement le récit d'un viol tel que raconté à la police, avec notamment cette phrase gimmick qui revient assez souvent. He put a gun in my mouth. He put a gun in my mouth. Il a mis un revolver dans ma bouche. Et s'ensuit un échange sexuel très cru qui est consenti ou pas, probablement pas. On y parle de viande, de langue au goût de hamburger. Tout ça avec des sons de cloches, des ajouts électroniques qui fournissent un accompagnement musical vraiment, vraiment très troublant, quoi. On est ici dans l'égal de ce que seront des morceaux tutélaires comme le Hamburger Lady de Throbbing Gristle ou encore Frankie Teardrop de Suicide. Des choses glaçantes, comme ça. Et là, oui, on est en plus en avance, et même en très nette avance sur ces avant-gardes-là. Throbbing Gristle, ce sera au milieu des années 70, et Suicide aussi, il faut voir la fin. Ici, on est quasiment 10 ans avant, 1968, quoi. La voix principale est interprétée par une fidèle et une élève d'Ashley, Cynthia Little. Et il y a un cœur de soutien qui est traité avec effectivement ces sons de cloche récurrents, encore et encore le sifflement de la bande qui est omniprésente et qui va créer une atmosphère là encore inquiétante. Je reviens sur cette supposée ou non supposée description d'un viol. Il est dit par ailleurs que la voix dirait non pas « he put a gun in my mouth » mais « he put a gum » une gomme, un chewing-gum « in my mouth ». Et là encore, pas d'explication, rien de frontal. Là-dessus, Ashley a toujours fui le démonstratif. Et ça ajoute encore plus de troubles, évidemment. Parce que finalement, cette narration Et finalement, elle renvoie exactement à ce que va faire plus tard Automatic Writing, mais là, avec une narration extrêmement concrète, avec de l'explicit lyrics, et excusez-moi du peu, vraiment explicit lyrics, hein. Si ça avait dû sortir officiellement à cette époque-là, ça sortait pas, quoi, si vous voulez. Enfin, ça a été publié en disque, mais bon, ces réseaux de diffusion étaient finalement suffisamment underground et puis un télo pour pas s'attirer les foudres, justement, d'une commission qui aurait dit ça va pas, non. Tandis que si un rappeur met des mots salaces dans sa chanson, il a des problèmes, en tout cas potentiellement. Bon, on s'éloigne du sujet. Alors, allons dessus. The Purposeful Lady Slow Afternoon. À vous de juger. Je ne suis pas sûr que là, on ait une fonction curative dans le morceau. Norbert Schley n'est pas là non plus pour caresser forcément dans le sens des poils. Coup sur coup, c'est deux pièces, donc l'une de 10 minutes, l'autre de 5 minutes. Bonne écoute. Il a encore une introduction très poussiéreuse, très poussiéreuse. I remember he sucked my tongue wise move. When I put it in his mouth, I remember he pushed against my mouth when it was closed. Hollow.

She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. C'est la conclusion de ce Cargo Cult du jour, et c'est la conclusion d'ailleurs aussi dans la pièce et dans l'opéra de Robert Ashley, de cycle en fait, qui s'appelait donc That Morning Thing. Alors, il y a toujours des choses à suivre et des clés quand même un petit peu, et des choses à tiroir avec Robert Ashley, puisque cette conclusion de That Morning Thing et de l'opéra du même nom, donc qui sort en 1967, contient aussi la chanson, enfin la chanson, excusez-moi du mot, mais le texte absolument terrifiant, un petit peu glaçant, qui décrit cette expérience sexuelle et un viol dans le titre Purposeful Lady Afternoon. Mais en fait, il figure donc dans l'opéra précédent de l'année 1967 sous une autre version, quelque part un remix qu'on entend et qui du coup change de nom. Mais dans les deux cas, il s'agit du même texte, aussi fort, et scandé, si vous voulez, dans cette même forme et par la même narration de Cynthia Liddle. Voilà, bah très heureux que Robert Ashley vous ait mis en émoi. Moi, il le fera pour la vie, peut-être spécialement avec ce recueil, parce que finalement, l'album qu'on écoutait est une forme de compilation de titres comme ça, un petit peu à la fois exemplaire de Robert Ashley, mais qui poussait probablement le bouchon un petit peu plus loin dans sa démarche et qui était supposé, entre guillemets, difficile. Et c'est l'album Automatic Writing de 1996, qui a été assez fraîchement réédité, qu'on trouve en version Bandcamp, ainsi qu'en version vinyle, avec le titre Automatic Writing coupé en deux. Donc voilà, les rééditions vinyle ont ceci de très chouette, c'est qu'elles sont chères, elles sont snob et elles coupent les morceaux. Sur tout ça, à vous de juger, on se retrouvera la semaine prochaine sur un autre Cargo Cult, et tout ça avec plaisir. Merci de votre écoute, et maintenant on s'en va.